Les saints tremblent, Avec ce cantique qui nous invite, qui nous demande de toujours compter sur le Seigneur. De compter toujours sur le Seigneur. De compter en tout temps et en tout lieu sur le Seigneur. Que l'on vive ou que l'on meure, on doit compter sur le Seigneur. À qui d'autre ayons-nous? C'est ce que l'apôtre Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ quand il leur a posé la question. Et vous aussi, ne vous en allez-vous vous pas aussi, comme les autres sont partis, dans Jean chapitre 6, le verset 68. Vous aussi, qu'est-ce que vous faites encore là? Ne partez-vous pas aussi? L'apôtre Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Car Dieu a les paroles de la vie éternelle. Alors que c'est difficile, le combat se fait davantage rude. La chair tend à s'élever chaque fois. Satan est là et multiplie ses assauts. Le monde qui nous environne ne nous laisse pas régner dans le Seigneur. On doit continuer à compter sur la grâce du Seigneur. On doit continuer à compter sur la grâce du Seigneur. Uniquement que sa grâce. Uniquement que sa grâce. Et être les enfants obéissants. Nous a prêté, nous a télé à faire toujours ce qu'il nous dira. Dans Jean au chapitre 2 là-bas, au nous de Cana, alors que Jésus-Christ est monté au nos, le vin a commencé à manquer. Et la mère du Seigneur a dit, le vin leur manque, le vin est terminé. Il leur a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. D'accord, frère bien-aimé, faites tout ce qu'il vous dira. Nous sommes appelés aujourd'hui à faire exactement ce que le Seigneur voulait qu'on fasse, frère bien-aimé. Ce qu'il a dit dans sa parole est immuable, elle est éternelle. On doit y vivre par rapport à cette parole-là. D'accord, frère? Amen. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, si tu dis aujourd'hui, couche-toi sur le côté gauche pour avoir la guérison, qu'est-ce que tu dois faire? Non. Te coucher uniquement. Si tu dis saute sur un pied pour avoir la guérison, qu'est-ce que tu dois faire? Il était demandé à Nahaman le Syrien, je commence encore, va te jeter cette fois dans les eaux du Jourdain là-bas. Il a trouvé ça difficile. Alors qu'il était parti de chez lui jusqu'en Israël pour avoir la guérison. Mais combien il était têtu et rebelle, ce Syrien-là. Amen, frère. Amen. Faisons tout ce que le Seigneur demande de faire, dans l'obéissance par amour pour lui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Livre au salon du Saint-Jean. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, ma monsieur. Que le Seigneur te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse cette fois. Ça va? Ça tient. Ça va? Ça va, mon cher? Que le Seigneur te bénisse. Reste. Ton habit d'hier là. Ton habit d'hier qu'on a vu là. Tout le monde a vu ton habit hier de pasteur. Donc tu ne peux plus cacher. Tu as vu son habit hier comme il était habillé hier. Tu as vu son habit hier non? Non, c'est Archbishop. Tu as salué tout le monde. Tu as salué tout le monde. Ça va? Ça va? Tu es habillé là-bas comme les gens de l'Arabie Saoudite. C'est fort, hein? Oui. Eh? C'est comment? Comme tu entres dans la salle, je demande tout le monde avant d'avancer. Salut ici. Que la grâce vous soit donnée de celui qui est, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le premier-né des morts, le témoin fidèle et véritable. Amen. Le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire, frère? Donc je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vérifiez si votre téléphone est fermé, vous n'avez pas oublié. Donc je suis content d'être au milieu de vous encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vérifiez donc que les téléphones soient éteints avant qu'on commence. Vérifiez que votre téléphone soit éteint. Parce que tout à l'heure, si ça sonne, vous sortez seulement. Parce que je dis comme ça, après vous me regardez quand c'est éteint. Par la suite, ça sonne. Ça sonne par la suite, vous sortez directement avec votre téléphone. Ça va, on peut avancer. Une fois dans un enseignement ici, je vous ai dit que j'ai vu le feu mélangé avec de l'eau. C'est ça, n'est-ce pas? Et j'ai dit que c'est dans un endroit où c'est l'eau, c'est les grandes eaux. Et j'ai dit que ça, c'est le conflit international. N'est-ce pas? Et j'ai dit que je suis resté à la maison, quelque chose est arrivé, étant des suivants à la maison pour savoir ce que c'est. Et puis j'ai dit que ça, c'est la nouvelle, n'est-ce pas? C'est une nouvelle. Ça, c'est pour notre pays, c'est une nouvelle. C'est encore en route, ce n'est pas encore là. Donc tout ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec cela. Il y a une nouvelle qui se prépare, qui va choquer. C'est sur le Cameroun. Il y a une nouvelle qui est en train de se préparer pour le Cameroun. Ça va choquer. Il y a une nouvelle. J'avais dit que c'est comme ça qu'il va parler pour le Cameroun maintenant là. Ça va choquer. Donc, par rapport à cela, les hommes, préparez-vous. On a le mois de novembre et le mois de décembre. Tout le monde sera à jeûne. Donc, pendant que les femmes seront à jeûne, un mois, donc du 1er novembre jusqu'au 31 décembre, on sera à jeûne. Pour les femmes, je vais, mercredi prochain, je vais vous donner les tenants et les aboutissants. Il faut qu'ils passent le temps dans la prière pour savoir exactement ce qu'il en est, pour qu'ils donnent les directives finales par rapport à cela. Donc mercredi, je serai là pour donner par rapport aux femmes ce qui va, la façon dont on va conduire cela. Et plaise au Seigneur, le samedi, il va donner pour les hommes, pour comment on va faire. Mais les hommes, je vais vous rencontrer, on va travailler seul à seul parce que c'est fort. Les hommes, je vais vous rencontrer, pas ici, on va se rencontrer. Entre nous, on va travailler. Donc il y a les directives qu'il a données par rapport à vous, les individus, les directions. Il y a des gens qui disent que je ne sais pas ce que c'est censé faire. Vous allez savoir maintenant, vous allez savoir vraiment que c'est difficile de savoir quelle est la volonté de Dieu et savoir comment il marche. Donc, pour certains d'entre vous, je connais exactement ce que vous avez à faire. Durant ce moment-ci, on va s'asseoir, on va causer. Je vais seulement vous dire qu'on se rencontre tel est juste le frère des nations. On va se rencontrer là-bas, on va prier. D'accord, frère? Ça va, frère? C'est ça, non? Bon, pour les femmes, je vais seulement vous surprendre un de ces jours. Mais mercredi, je vais vous donner les directives. Il dit par rapport aux femmes. Mercredi, je vais vous donner les directives parce qu'il faut qu'on travaille. Vous, les femmes, il faut qu'on travaille. Il m'avait dit qu'il y avait deux points sur lesquels on doit travailler pour vous. On doit travailler là-dessus. Mercredi, je vais venir vous donner les directives par rapport à cela complètement. Puis on va se rencontrer selon qu'il veut. Mais pour les hommes, les femmes commencent le 1er du mois de novembre. Elles s'arrêtent le 30 novembre. Les hommes continuent jusqu'en décembre. Et en décembre, ça va s'accélérer parce qu'on va travailler. Le plus, ce sera en décembre. Parce que c'est des choses qui sont prévues pour le pays et au-delà, dont je ne vais pas parler ici. Lorsqu'on va s'asseoir en aparté, je vous avais dit qu'après les jeunes qui sont passés là, je vais parler maintenant par rapport au pays, l'église qui se trouve par rapport à notre pays, n'est-ce pas? C'est ça qu'on va se diriger maintenant parce que il y a le relèvement qui va arriver. Il y a le relèvement. C'est une chose merveilleuse que de savoir qu'est-ce qui te dérange et que Dieu te donne la direction. C'est une chose merveilleuse. Il dit bien merveilleuse, frère. Amen. C'est une chose de merveilleuse que vous sachiez comme ça, qu'on vous dit que voici le problème, voici votre problème, voici votre problème, voici ce qui vous dérange. Pas vrai? Mm-hmm. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on doit telle chose, qu'on dit telle ou telle chose. Ça va, Samuel? Ezekiel, ça va? Où est Papa So? Il est parti à Limbé. Donc il allait jouer la vie, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, baissons la tête, prions et demandons au Seigneur, Seigneur, révèle-nous les causes profondes de notre échec spirituel. Seigneur, révèle-nous les causes profondes de notre échec spirituel. Révèle-nous les causes profondes de notre échec spirituel. Les causes profondes de notre échec spirituel. Qui nous révèle les causes profondes de notre échec spirituel. Ça peut tenir sur un seul fil et vous tourner en rond. Mais soyez prêts à suivre la direction qu'il va vous donner. Seigneur, donne-nous révéler à chacun de nous ici, à ceux qui nous écoutent partout dans le monde, à ceux qui m'écoutent maintenant, à ceux qui viennent encore, Père, donne-nous révéler quelle est la cause profonde de notre échec spirituel, de notre vie profonde, de notre échec spirituel. Donne-nous révéler. Donne-nous révéler. Donne-nous révéler. Daigne-nous révéler. Daigne-nous révéler. Daigne-nous révéler, Seigneur. Priez. Daigne-nous révéler la cause profonde de notre échec spirituel. Nos déboires spirituels. Qu'est-ce qui cause vraiment cela? Priez, priez, priez, priez. La victoire de la vie spirituelle signifie exactement le rétablissement de ton horloge spirituel avec le Seigneur. Et souvenez-vous que cette prière ne s'arrête pas ici. Demeurez-y. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'en annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous. Si Dieu te révèle quel est ton problème que tu passes, ton problème spirituel, tu n'auras plus de problème. À cet instant-là, tes problèmes sont résolus. Beaucoup de personnes courent de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, cherchent des solutions magiques pour leurs problèmes. Et Dieu attend tout simplement à ce qu'on vienne au devant de lui. Alors il permet qu'il y ait des échecs, des blocages, afin que tu puisses venir au devant de lui pour causer, qu'il résolve ses problèmes. Seigneur, révèle-moi quelles sont les causes. Les causes profondes de mon échec spirituel. Les causes profondes. Et souvenez-vous, il va vous répondre. Vous savez effectivement qu'il répond. Souvenez-vous, il va vous répondre. Amen. Amen. Amen. Gardez ceci dans votre cœur alors qu'on est assis maintenant. Gardez cela sur votre cœur en vous asseyant tranquillement et doucement. Gardez cela sur votre cœur et pensez-y un instant. Ça va, Moïse? Oh, c'est bien. Ça va, Ézéchiel? C'est bien. Si vous prenez le livre de 2 Samuel chapitre 21, puisque vous en avez noté, si vous prenez le livre de 2 Samuel chapitre 21, je crois que on ferait mieux de lire cela, le temps qu'il retrouve ma Bible. Regardez ça, regardons cela un instant avant d'avancer ce soir. Remarquez seulement depuis que le Seigneur a ordonné les jeûnes, n'est-ce pas frère, je vous dis honnêtement. Regardez vos vies spirituelles, comment cela est. Vous avez mangé le haricot. Regardez vos vies spirituelles, comment votre vie spirituelle est depuis que vous avez commencé à jeûner. Il y a évolution ou il n'y a pas évolution? Voilà. Il y a évolution ou il n'y a pas évolution? ça va aller comme ça. Le moment arrive, vous allez vous réjouir. Amen. Je vous avais dit, une fois je me suis tenu ici, j'ai dit, il y a un bruit, pas vrai? Comme lorsqu'on est dans une maison où il n'y a pas le plafond, et puis il pleut sur la tôle là. Le bruit là, je l'entends toujours. Il y a un bruit, mais il y a quelque chose à faire pour que ça puisse tomber comme ça. D'accord, frère? Ne pensez pas que vous allez manger le beignet à l'eau bouillie de 10, 15, 15, vous savez quoi, 5, 10, 10 ou c'est quoi. Et puis dire, Seigneur, envoie-nous la pluie. On vous a trompé. Vous allez voir effectivement que travailler avec le Seigneur comme ça, ce n'est pas évident. Mais il est à l'œuvre, pas vrai? Amen. Donc, je dis quel livre déjà? 2 Samuel chapitre 21. Je vais prendre cela pour illustrer quelque chose. Regardez à partir du verset 1. Du temps de David, écoutez très attentivement. Du temps de David, j'espère que tout le monde y est. 2 Samuel chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura combien? 3. Il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Vous avez vu ça? Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. La famille a duré combien de temps? Donc, oui, effectivement, il y a des événements qui arrivent. 3 années, le roi David a compris que quelque chose d'anormal qui se passe. Comment une famille peut durer comme ça sur Israël pendant 3 années? Alors, il a cherché quoi? Maintenant, quand il y a la famille sur la terre, on prend ce qu'on appelle Food and Agriculture Organization. Tu connais ça? Food and Agriculture Organization. FAO. Ou bien on dit l'UNESCO, que les pays en voie de développement soient réunis pour qu'on éradique la pauvreté sur la terre. Mais voici un roi d'un pays que quand il y a la famille, il cherche plutôt qui? Parce qu'en réalité, y a-t-il un mot qui arrive sur la terre sans que l'Éternel ne l'ait ordonné, dit la Bible. Vous voyez effectivement que si le président se tournerait de la bonne façon, je vous le dis, observez, je vais vous dire quelque chose. Les pasteurs, parce que les pasteurs sont compromettants, ils se réunissent sur une plateforme là, comme ça là. Il prie, il peut y avoir quelque chose qui ne passe pas. Si cinq chefs d'État, il y a chef de gouvernement, se mettent à genoux et disent, Seigneur, aie pitié de mon pays, vous allez voir Dieu répondre. Il dit les chefs de l'État. Parce qu'ils portent tout un peuple sur eux. Mais voici donc un chef de l'État qui, il y a la famille dans le pays. Il ne regarde pas le conseil des agriculteurs. Il ne regarde pas les spécialistes des eaux pour regarder comment éradiquer et irriguer l'eau pour envoyer sur le continent pour que ça puisse produire. Non. Il n'a pas demandé ceux qui sont issus des diplômes, les spécialistes en agriculture pour prendre les semences améliorées afin de faire les jardins de potage pour voir semer. Non. Il allait consulter le Seigneur. Et la Bible déclare que le Seigneur a révélé que c'est à cause de la maison de Saül et de sa maison sanguinaire. Alors maintenant, je pose la question. Humainement parlant, si on demandait chaque conseil, on les classe là-bas que selon toi, quelle est la cause de cette famine-ci? Tout le monde aurait donné n'importe quelle explication scientifique sans toucher à cela, pas vrai? Dis à ton voisin, demande à Dieu la cause profonde de tes échecs spirituels. Voilà, c'est ça dont c'est la question. Monsieur Tenu, là, il a dit qu'on prie comme ça. Donc, il s'agit d'une orientation qu'il a dit de donner. Alors, des choses peuvent nous arriver. On regarde, ah, c'est mon grand-père qui a fait ça, mon grand-père. Tu vas faire, si c'est toi, tu vas chercher toutes les solutions, sauf la solution qui correspond au problème qui se trouve. C'est donc pour cela que la Bible déclare dans Deutéronome 29-29 que les choses cachées sont pour le Seigneur et les choses révélées sont pour nous. Il faut qu'il les révèle. Dans ce Jérémie 33-3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Il a donné la promesse qu'il va répondre si on l'invoque. « Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, il peut y avoir des choses cachées dans nos vies que nous ne connaissons pas. Donc, je vais prendre un deuxième exemple comme ça de ces choses-ci. Il y en a plein dans la Bible. Il y a des principes spirituels qui sont mis dans la Bible. Alors, si tu ne connais pas, tu vas tourner en rond. Pourquoi? Je suis né, j'ai la poisse, je suis comme ça, j'ai les échecs. Pourquoi il y a les échecs? Alors on va dans les nuits de prière, on va mettre les semences. Si David réunissait tous les sacrificateurs, Abiathar, Sadoc et O, Akimolek, et n'importe quel, tous les races des sacrificateurs, chacun porte ses habits sacerdotales. Il porte les fautes, n'importe quoi, met l'arche de l'alliance là-bas. Brise l'esprit qui est derrière la famille, ça ne résoudra pas le problème. Même s'il donne la semence qui lui fait mal au cœur, c'est ce qu'il arrête sa poitrine comme ça. Ça ne résoudra pas le problème. Quand le Seigneur a parlé, il dit que c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est à cause de lui que la famille est là-bas. Donc, il y a quelque chose, parce qu'il a tué le Gabaonais. Et alors, lorsqu'il a tué le Gabaonais, le sang crie. Parce que lorsqu'on a fait alliance avec le Seigneur, souvenez-vous donc de ceci. J'aurais souhaité un dessin, je parlais des alliances et les conséquences de la non-obéissance de ces alliances-là. Lorsqu'on a fait alliance avec le Seigneur, et qu'on l'a appelé à témoin, qui est manifestation prompte, qui est manifestation instantanée ou pas. Le problème, c'est que toute parole qui est scellée avec le nom invité du Seigneur là-dedans, l'a invité dans l'alliance. Toute personne qui ne conclut pas ou ne respecte pas les thèses, les clauses de l'alliance, a dit sur lui les malédictions y afférentes. C'est donc pour cela que vous allez voir, quand vous prenez le cas de Laban et Jacob, Laban connaissait le Dieu que Jacob servait. Lorsqu'il a commencé à fuir, il est arrivé quelque part là-bas, ils ont mis la pierre, que cette pierre soit entre toi et moi, que jurons sur cette pierre-ci. Parce que ça veut dire que si Jacob jure d'ailleurs par l'Éternel, il ne peut plus passer par là-bas. S'il dit d'ailleurs que voici ma frontière, il ne peut plus traverser là-bas, que l'Éternel soit juge entre toi et moi, lui ne peut plus aller là-bas. Chacun savait cela. C'est seulement aujourd'hui que quelqu'un va venir dire que ma soeur, je t'aime, je veux t'épouser, on est deux. Il prend ce qu'il a à prendre. Par exemple, celui qui tourne là-bas, tu dis que tu m'avais dit que qui était là. Prouve. Donc on est devenu sage aujourd'hui. Dieu te met quatre étoiles comme un commissaire. Il garde. Faisons attention, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe ici avant que 2 Samuel chapitre 21 arrive? Et souvenez-vous, c'est longtemps après la mort de Saül et de sa royauté. Longtemps. Si vous lisez le livre de Josué, chapitre 9, prenez le temps de lire le livre de Josué chapitre 9, vous allez effectivement voir que Josué, avec les différents grands chefs qui étaient en Israël, vont entrer dans le pays. La terreur qui a inspiré les Juifs a fait rester l'enceinte que partout où ils passaient, les gens avaient peur. Les Gabaonites vont agir donc par ruse. Ils vont dire, cherchons donc quelqu'un qui va aller là-bas pour faire la paix avec eux. Or, ils étaient tout proches, tout près d'Israël. Ils étaient prêts avec les Israéliens. Ils vont porter les habits vieux, les habits avec le sac bizarre, courir vers eux avec le pain tordu. Quand ils voient le pain tordu avec le pied bizarre, ils disent, non, les gars, ils ont certainement marché dans le désert, alors qu'ils étaient à côté. Ils sont venus les voir, ils ont conclu, voici les pains qu'on venait, c'était chaud quand on a préparé. Nos habits ont été défaits. Par suite de manque de cette distance-là, ils disent, waouh, les gars, c'est vraiment... La Bible déclare qu'ils ont conclu l'alliance, ils ont juré par l'Éternel qu'ils ne vont pas les détruire. À l'instant, ils ont... Allons dans c'est Josué chapitre 9. Ils ont touché l'endroit-là. Ils ont dit que c'est la conséquence de cette chose-là qui est arrivée ici, que la famille s'est trouvée, d'accord? Josué, chapitre 9. On y va. Josué chapitre 9. Il va prendre à partir de l'endroit où ils ont commencé à aller. Ou bien, prenons à partir du verset 1, on lit doucement, d'accord, pour que vous compreniez l'histoire. On y va. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en dessous des Jourdains, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, des Héthiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants des Gabaon, prenez attention maintenant, verset 3, nous sommes au verset 3. Les habitants des Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Vous avez vu ça? Eurent recours à la ruse. C'est comment? Au chapitre 9. Donc, vous voyez, ils sont en train d'avancer, ils sont au verset 4, quelqu'un est au niveau de là où le chapitre se trouve. C'est le chapitre 9, verset 4. Donc, on commence à lire à partir du verset 4 maintenant. Eut recours à la ruse et s'est mis en route avec des provisions de voyage. Il prit des vieux sacs pour leurs ânes et des vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux des vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal. Et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant, faites alliance avec nous. C'est terrible. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferons-nous alliance avec vous? Vous avez comment le Saint-Esprit a utilisé ceci? Peut-être que vous habitez à côté de nous. Comment est-ce qu'on va faire alliance avec vous? Il ferait mieux de s'arrêter à ce niveau-ci-là. Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Sur le renom, très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens au-delà de Jourdain, Sihon, roi de Hesbon et Og, roi de Bazan, qui est à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant, faites alliance avec nous. Vous voyez, c'est ainsi. Lorsqu'ils signent l'alliance, ils disent, ok, on fait alliance avec vous. Si c'est tourne là, il n'y a rien qui dit, par exemple, qu'ils ont fait, qu'ils sont tenus de respecter les clauses. Comme par exemple, le Cameroun et la Boko Haram peuvent signer une trêve en disant qu'on ne tue pas tel jour. Personne n'est obligé de respecter les trêves parce qu'ils viennent là-bas, ils viennent la nuit. Pendant que vous êtes là, ils font la surprise. Pas vrai? Mais il y a un problème, c'est que le Dieu d'alliance, quand quelqu'un qui est avec le Dieu d'alliance au ciel, signe, entre en contact avec l'alliance, il a mis Dieu au milieu de l'alliance. Parce que l'un de ses noms, ça veut dire alliance. L'un de ses noms, c'est l'alliance. Ok. Continuons ici. Verset 13. Je crois que j'ai pas sauté là. Verset 12 maintenant. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés à l'excessive longueur de la marche. Verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Souligné. Et ils ne consultaient point l'Éternel. Je m'arrête sur ce point, c'est pour vous dire quelque chose. Normalement, tout chrétien qui doit s'aventurer en relation avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, doit poser la question à Dieu d'abord si telle est sa volonté. Que ce soit en business, que ce soit dans ta maison, que ce soit en voyage, vous devez poser la question à Dieu. Poser la question, c'est simple. Dites-lui, Seigneur, je souhaite travailler avec telle personne. Si telle n'est pas ta volonté, Seigneur, ne permets que ça n'arrive pas. Et vous restez tranquille tout simplement. Regardez, ils ne consultaient point l'Éternel. Ils avaient toutes les méthodes pour pouvoir consulter. Au chapitre 7 de ce même livre-ci, il y avait un monsieur qu'on appelait Akan qui allait prendre les éléments interdits, il l'a caché chez lui. La Bible déclare que 36 personnes sont mortes en Israël. Là, les anciens d'Israël avec Josué sont prosternés jusqu'au soir. Et Dieu leur a dit, pourquoi restez-vous prosternés comme ça là? Il y a de l'interdit au milieu de vous aussi. Israël ne peut pas tenir ferme contre ses ennemis. C'est ça? Donc quand ils consultaient Dieu, Dieu parlait. Le prophète était au milieu d'eux. En plus de cela, ils avaient l'Urim et le Thummim qu'ils pouvaient consulter. Les sacrificateurs et l'arche de l'alliance étaient là pour rassurer de la présence de Dieu. Ils se sont tenus parce que les chrétiens ont donné les discours persuasifs. Ils ont vu comme ça, ils ont eu pitié. Dans la relation, remarquez bien comment le Saint-Esprit a dit là-bas, il a dit qu'ils ont agi par ruse. Donc ça veut dire que quelqu'un peut venir développer des choses qui vont dans le sens de la Bible, dans le sens de la pitié, mais à l'intérieur, il va te tuer. Il va te pousser à l'erreur. Faites attention, ne faites confiance à personne. Invitez Dieu au milieu. Invitez toujours Dieu au milieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a dit tout à l'heure qu'on va dans ce sens ici. D'accord? N'utilisez pas le sentimentalisme là-dedans. N'entrez pas dans la relation spirituelle avec le sentimentalisme. Ça va vous noyer. Ah, là, cette femme-là est venue, elle a dit qu'elle souffrait beaucoup, elle souffrait beaucoup. Tu ne sais pas ce qu'elle en a de faire. Elle souffre beaucoup. Je lui ai donné la boutique, que j'ai la boutique. Aujourd'hui, elle est ruinée. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Il faut mettre ça dans cette situation. Dès le départ, tu l'avais consulté que non. Alors, faisons attention. Suivons-le ici. Nous sommes au verset 14, n'est-ce pas? Il ne consultait point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. Vous avez vu cela? Donc, n'essaie pas de venir dire que non, les clauses sont saccagées parce que tu n'avais pas dit la vérité. Il y a eu alliance, il n'y a pas eu alliance. Non, je t'avais dit que sa petite amie, c'est parce que je voulais telle chose, c'est ton problème. Tu as signé alliance. On parle des jeunes garçons là qui passent voir les jeunes filles et disent que je vais t'épouser. Oui, non, parce que je voulais, c'est parce que je voulais que tu me donnes telle chose. Il n'y a pas de problème, mais vous avez quand même fait alliance. On va revenir là-dessus. Alors, regardez bien, on dit l'alliance tenait quoi? D'après l'alliance, parce qu'enfin, ils sont venus parce qu'ils ont entendu que le Dieu d'Israël commence à traiter les gens depuis l'Égypte. Ils ont traité le roi d'Aï, le roi de Bazan, le roi d'Og. Ils les ont traités Alors ils sont venus faire comme ça l'alliance de la paix. Donc faites la paix avec nous. Or, qu'est-ce que Dieu lui avait dit lorsqu'il avait fait sortir de l'Égypte? Il avait dit que lorsque vous allez entrer dans leur pays, ne faites point alliance avec eux. Vous allez détruire les autels, détruire hommes, femmes et enfants, parce que les abominations qu'ils sont en train de commettre là-bas, c'est ça qui a fait que le pays les a vomis. Donc ne faites pas alliance avec eux. Ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient se référer à la loi et poser la question à Dieu. Seigneur, ceux qui sont en train de venir maintenant, quelle est la conduite à tenir? Quand Moïse dans le désert, on avait attrapé un homme qui avait été sorti le jour de sabbat pour aller chercher du bois. Moïse n'avait pas encore d'ordre. Il a dit, mettez-le en cellule jusqu'à ce que je consulte l'Éternel. L'Éternel a donné l'ordre. Sortez-le, lapidez-le. Puis quand il a dit lapidez-le, il a donné encore des lois y afférentes. Dis à ton voisin, en toute chose, consulte le Seigneur. Maintenant, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile lorsque vous traversez par des situations et que généralement on n'entend pas la voix de Dieu. S'il y a des chrétiens qui, des personnes qui servent Dieu, et donc tu vas avoir pitié, c'est notre génération. C'est notre génération. C'est-à-dire on prie, on n'entend pas la voix du Seigneur. Mais pourtant, il parle. C'est ça qui est bizarre. Mais pourtant, il parle. Seigneur, dis-moi clairement. Il dit, mon fils, je t'aime. Tu dis, Satan, si c'est toi, je te chasse au nom de Jésus. Alors maintenant, comment il va te parler clairement? Comment il va te parler clairement? Pour que Dieu te parle clairement, que tu ne te poses plus de questions, en réalité, c'est au travers des Saintes Écritures. Parce qu'il y a tellement de voix qui nous parlent différemment. Il vous le dit. Si Dieu te dit, mon fils Donatien, va à Saint-Malima maintenant à pied. La prochaine séance, c'est que tu vas gêner pour savoir si vrai, c'est Dieu qui t'a vrai pas. Tu vas maintenant commencer à chercher les textes bibliques. Quand Dieu avait dit à Gédéon d'aller combattre, Gédéon aussi tester Dieu. Dieu, si c'est toi, fais que l'eau si c'est rempli, tu te tournes, l'eau est remplie, tu dis, hé. Parce qu'en réalité, c'est Saint-Malima, elle loin des doigts, là, pas vrai. Il faut maintenant marcher à pied. Tu fais comme ça pour que la chance fasse que ce soit Satan qui a dit. Donc Dieu parle. Il parle. Ceux-ci consultaient Dieu, Dieu leur parlerait. Ils n'ont pas consulté. Et voici donc, ils ont conclu l'alliance selon laquelle ils ne devaient pas tuer les Gabonais. Et trois jours après cette conclusion, donc la conclusion de cette alliance, la Bible déclare qu'ils se sont reconnus qu'ils étaient au milieu d'eux. La suite de ces chapitres-là dit que, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez dupés. Et ils ont donc réduit à l'esclavage, ils devaient servir à porter de l'eau des Gabonais. Voilà, ils devaient être au milieu d'Israël, portant de l'eau dans le temple. Si vous allez dans le livre de Jérémie, vous allez remarquer effectivement un autre prophète maintenant qui était au milieu des prophètes des Gabonais, qui a commencé aussi à prophétiser dans le temple de Dieu. Et jusqu'à venir confronter Jérémie, à cause de la faute que les enfants d'Israël avaient laissée dès le départ. Mais quelqu'un qui ne respecte pas la loi, les alliances, va venir en plein. Là, les Gabonais, c'est qui? Hé, zigouillez-les-moi. Il va les zigouiller. Je veux que vous regardiez encore quelque chose. Saül a fait cela. Saül n'était pas présent lorsque Josué le faisait. Saül n'était pas présent. Saül n'était pas présent lorsque les enfants d'Israël contractaient cette. En fait, du moment de Saül et du moment de David, il n'y a personne qui était physiquement là qui concluait l'alliance. Nous sommes d'accord? Ah, c'est terrible seulement pour parler de ces choses-ci. Et il n'y a personne qui physiquement se trouvait avec Josué là-bas, qui se trouvait dans le temps de Saül, ni dans le temps de Joseph, de David, du roi David, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ça engageait le peuple gabaonite et le peuple d'Israël. Donc, même si ceux-ci ne sont pas là, l'alliance subsiste. Observez ça. Observez ça, frère. Alors, Saül, qui ne connaît pas la loi, qui ne veut pas respecter la loi, qui respecte à moitié, ainsi de suite, et quoi qu'il respecte Dieu, se tient là-bas et dit que tuez-les. On les a tués. Regardez l'événement qui s'est passé, ce qu'ils ont tué. Ils ont tué. Remarquez encore que Dieu n'a pas réagi sur Saül. Saül est mort sans savoir qu'il a fait du mal sur la terre. On a seulement dit de Saül et de sa maison sanguinée parce qu'ils ont tué les Gabonais. Qu'est-ce que David a à voir avec ça? Alors, il peut avoir donc des problèmes spirituels dans nos vies profondes dont nous ne connaissons pas les causes. Il faut invoquer Dieu. D'accord, frères et sœurs? Il peut avoir des problèmes spirituels dans nos vies. Vous pouvez être comme ça. David était au palais. Avait-il fait quelque chose? Avait-il péché directement? Les alliés avaient-ils péché directement? Ceux qui étaient sur le tas dont David était sur eux, avaient-ils péché sur ce cas-là? Donc la famille est sortie comme ça. Dieu s'est souvenu du fait qu'ils avaient fait alliance, qu'ils n'avaient pas tué, mais ils ont tué. Dieu donne la sanction. Et Dieu donne cette sanction, c'est pour nous pousser justement à revenir à lui pour prier, pour qu'il nous donne la solution. Donc souvenez-vous de cette prière, de prier toujours à la maison. Si vous prenez encore un autre passage de l'Écriture, vous allez prendre le passage de l'Écriture, c'est dans Genèse. Lisez votre Genèse, chapitre 26 jusqu'au chapitre 28, vous les notez. Genèse, chapitre 26, dans cet intervalle-là, chapitre 26 jusqu'au chapitre 28, vous allez noter, vous dit l'histoire qui s'y trouve là-bas. Et puis on va avancer, c'est dans la direction que le Seigneur voudra. Donc vous voyez, avant-hier, il y a un monsieur qui est venu, la dernière fois il est venu, on était à Yaoundé chez la femme Marabout. Il vient, Il est maigre comme ça. Maigre, c'est juste à ce que vous touchez. Si vous le touchez, c'est les os que vous touchez. Mince. Alors, l'image que je regarde de cet homme, ce n'est pas l'image que ça ne voit au devant de moi. Vous voyez, son image qui est dans la vision, c'est l'image de quelqu'un qui a de la peau, qui est gros, qui a la chair sur la peau. Mais celui qui est là-bas est malade. Tout ce que l'être humain fait dans cette situation, c'est, vous voyez, comment ça confesse. Je suis allé, ça fait 16 ans que je souffre comme ça. Genèse chapitre 26 ou chapitre 28. Chapitre 26 jusqu'au chapitre 28. Donc chapitre 26, chapitre 27, chapitre 28, l'histoire se trouve dans cet intervalle, c'est ce qu'il dit. Donc il dit comme ça, ils sont en train d'avancer avec notre histoire, elle est là-bas dans le chapitre combien, elle a dit que chapitre combien. Après quand il va finir, je vais raconter aussi sa part d'histoire là encore. Il s'est tenu là, j'ai dit, oh là, maintenant la personne, qu'est-ce que la personne fait? La personne, quand la personne vient, comme certains d'entre nous, quand on vient, c'est mon problème c'est telle chose. Tu sais que ton problème c'est telle chose, je ressens telle chose, il faut qu'on prie pour que ça s'arrête. Je vous le dis chaque fois que, en fait, c'est une grâce de connaître la cause de votre problème. Amen. C'est une grâce de connaître la cause. Alors, il est à la maison, on s'assoit là-bas à la maison. Je sens des marchés dans la maison, marchés dans la maison. Après, il revient vers lui. Il dit, assieds-toi ici, on va prier. Est-ce que tu connais la cause de ton problème? Non. Il dit, ça fait 16 ans que c'est comme ça. Il a marché partout chez les marabouts. Ils sont allés même chez les pasteurs, on a mis des pentagrammes là-bas. On a fait des pentagrammes, mettre les bougies au sol. Il est monté sur les bibles, payé 15 000 francs. Réciter, sauter sur les bibles, mettre l'autre mime sur la tête. Ça n'est, les chemins ne font pas résoudre le problème. Alors, on s'est tenu là-bas, le Saint-Esprit est venu au milieu. Il dit, il y a quelqu'un qui t'a attaqué avant cette maladie, c'est Adi. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai entendu le son de la voix de la personne. J'ai dit, cette personne s'est parlé plutôt en patois, en te disant, tu vas voir, il vient te montrer. Il a bougé sur la chaise. C'était dans leur langue. La personne lui a dit que je vais te voir. Il dit, c'est ta personne, voici le signe pour que tu le connais la personne. C'est en patois qu'il a dit, pas en français. Oui, c'est cette personne qui est entrée en action comme ça. Alors maintenant, ce que cette personne a fait, c'est qu'il a pris la terre. Il a fait quelque chose. Parce que j'ai fait le geste que la personne a fait. Il a pris la terre, il a fait comme ça devant toi, pas vrai? Il a dit oui. Il reconnaît la personne. Alors, 16 ans de souffrance. 16 ans de souffrance qu'il marchait comme ça. Tant que vous le localisez parce que cette personne s'est fait pour détruire cela. Tout ce que vous faites là, c'est le chemin. Tout ce que vous faites, c'est le chemin. Alors, il faut la cause. Les causes. Il faut les causes. Il faut les causes de nos situations. Donc très souvent, vous asseyez là-bas, quand on vient vers vous, on dit, il y a telle chose. Vous aurez pensé que c'est autre chose. Mais on commence dans un endroit où vous penserez le moins. C'est pas ça, frère? Oui. Enfin, si vous savez que votre problème, c'est telle chose, vous avez la solution. Si vous saviez. C'est-à-dire, si vous savez que non, mon problème, c'est que quand je prie, je vais prier chaque fois. Je fais, chaque fois qu'elle prend la Bible, je suis faible. Oui, c'est le constat que tu as fait, c'est pas le problème là-bas. Vous me suivez? Ça, c'est le constat que tu as fait. Tu as constaté que quand tu prends la Bible, tu bailles. Tu as constaté que quand tu veux prier chaque fois, tu bailles. Ça, c'est le constat. Le problème, là, c'est quelle est la cause? Qu'est-ce qui amène ça? C'est ça qu'il faut dénoncer. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, dans ce livre des deux, de Genèse chapitre 26, Genèse chapitre 26, jusqu'au, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. C'est ça, non? Lorsque Rebecca sera enceinte, quelque chose va se passer. Remarquez très bien que Isaac va le connaître alors qu'il a 40 ans. Alors, lorsqu'elle va devenir enceinte, subitement, ça va commencer à se bagarrer dans son ventre. Normalement. Sur d'autres sujets, on veut dire qu'il faut aller voir le gynécologue. C'est pas ça, frère? C'est ça. Non, va voir ton gynécologue. Parce que c'est le gynécologue qui est spécialiste. Il faut qu'il dise le pourquoi. Les enfants sont instables là-bas. Quand tu peux le voir maintenant, il te met les calmants pour que ça se calme. Ça calme les enfants dans le ventre. Alors que ce sont des pays qui bagarraient dans son ventre. C'est ce que la Bible déclare. Donc, ce n'est pas un problème d'ordre médical. La Bible déclare que cette femme est allée consulter Dieu. C'est pas ce qui est écrit. La Bible déclare qu'elle est allée consulter Dieu. J'ai pris le cas d'un roi, j'ai pris le cas d'une femme. Ils peuvent en prendre des cas comme ça. Pas pour que vous dites que c'est le cas. Remarquez très bien que chacun a consulté Dieu. Chacun a consulté Dieu. Pour le cas de David, vous pouvez voir dans ce livre de 2 Samuel, lorsque son fils Absalom va le poursuivre, il va prier Dieu. Lorsqu'on va faire n'importe quoi pour monter chez les Philistins, lorsqu'il était en cavale avec en suivant Saül, il était au milieu des Philistins, il a même prié Dieu pour savoir que devais-je monter, si Saül vient ici, vont-ils me livrer? Dieu dit, ils te livreront. Donc tant qu'il reste là, tu vas confirmer. Vous voyez, donc Dieu lui donnait les directions. Vais-je monter à Timna pour combattre avec les Philistins? Monte, je te les livre. Vous voyez, Dieu dit non. La prochaine fois, il dit, monte, prends-les par derrière. Vous voyez que les tactiques des guerres, Dieu vient dans le combat pour combattre avec nous. Il descend par l'air dehors, par derrière. Descend par là-bas, tu le surprendras. C'est Dieu qui dit ça. Il fait le concours avec David. Pendant que le militaire fait ça, on a déjà dit quelque part qu'il va le surprendre. En voyant, on l'a pris par en embuscade. Dieu. Alors, si tu fais, si tu veux aller, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, hey, descendons pas comme ça là. Et tactique militaire dit que si le combat est comme ça, il faut mettre tes choses là. Ça, c'est ta part. Quand Dieu a dit que c'est comme ça la solution, ce n'est que la solution là-bas. Vous voyez, c'est bien de consulter Dieu, n'est-ce pas? Consulter Dieu en toutes choses. Gédéon lui-même, il a consulté Dieu. Dieu lui a donné les songes, pas vrai? Il a dit, ok, si tu crains, descends le matin là-bas, tu es dans l'air. Il est descendu avec son serviteur là-bas, il a entendu quelqu'un qui a eu le songe la nuit. Comment cette chose-là est descendue de la montagne, ça a mis 100 dessous, 100 dessous, tout le camp des Philistins et des Madians. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a donné l'intervention directement, que ce n'est autre chose que Gédéon, fils de Jérubal. C'est pour montrer que c'est lui, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a livré entre eux le camp des gens. Il est resté aussi dans le camp. Il faut aussi rester au camp, on vient même passer au fil de l'épée. Pas vrai? Faites confiance à Dieu, il parle. Faites confiance à Dieu, il parle. D'accord? Amen. N'importe quelle situation, priez et demandez au Seigneur. Ça, c'est dans l'Ancien Testament qu'il vient de prendre. Maintenant, il peut aller dans le Nouveau. Et vous en donner des tas et des tas. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Puisqu'il a donné la promesse qu'invoque beaucoup, c'est le congrès. Dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 18, la Bible déclare que faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y. Donc, restez là-dedans. Veillez-y. Demeurez-y dans cette prière, cette supplication. Dans Philippiens chapitre 4, que vous savez, verset 6, 7, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Avec des actions de grâce. N'est-ce pas, frère? Qui a des problèmes d'ordre spirituel, demandez les causes de cela à Dieu. Si les causes sont énoncées, l'annonce de la solution est automatique. Si la cause est énoncée, la solution est automatique. D'accord, mes chers amis? Remarquez donc pour le cas de Rebecca comment elle allait prier Dieu. Elle n'est pas allée vers son mari. La Bible dit qu'elle a prié Dieu. Dieu lui a dit à elle que deux nations sont dans ton ventre. Sans de bagarrer. Dieu lui a dit directement. Deux nations sont dans ton ventre. Quand à leur sortie, le plus petit sera assujetti au plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand elle est née, c'est comme ça. Mais elle a eu la révélation du Seigneur. Donc elle pouvait fonctionner dans cette révélation. Vous imaginez David, le roi David, en train d'implorer le Seigneur, de se mettre à genoux pour implorer le Seigneur. Pour implorer le Seigneur. Quand il implore le Seigneur, quand il a la solution, si vous lisez dans ces deux Seigneurs, chapitre 21, qu'on a lu, la suite du verset, à partir du verset 3, il a invoqué maintenant les princes, il les a appelés. Les princes de Gabaon pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que la main de l'Éternel s'appesantisse sur Israël, pour que la famine quitte. Les princes d'Israël, les princes de Gabon, lui ont répondu que ils ne demandent rien que les restes qu'on fait pendre les têtes des fils de Saül. C'était ça. Alors maintenant, voici une autre chose. Regardez. Saül n'est plus dans le pouvoir. Quand il est au pouvoir, c'est une indication pour ceux qui sont dans la terre, qui se confient au bien terrestre et aux gens qui ont l'appui sur les gens de la terre. Saül n'était plus au pouvoir, pas vrai? Mephibosheth et tous les autres descendants et ses concubines ou les enfants de Saül qui étaient versés de tous les côtés là-bas, ils vivaient tranquillement. Faisons attention. Cet événement montre clairement qu'il ne faut pas s'appuyer sur quoi que ce soit, il faut s'appuyer seulement sur le Seigneur. Et pendant que vous parlez de l'alliance, regardez l'alliance que David va faire avec Jonathan. Et regardez comment cette alliance va préserver l'enfant de Jonathan. Vous avez vu cela? Il dit, rentrez, lire la suite. Et maintenant, les enfants de Saül qui étaient, quand ils étaient au pouvoir, ils pouvaient faire n'importe quoi comme le président de la République sont maintenant, leurs enfants sont les plus non touchables. Si le président n'est pas là, qu'est-ce que l'enfant va faire? À l'instant où on annonce que l'autre n'est pas président, les gardes de coq qui derrière toi. Parce que la fonction s'arrête là. Vous savez ça? Ça s'arrête là. Tu commences à aller comme tout le monde. Et si tu avais nargué quelqu'un, si tu avais dit aux gardes du corps de taper l'heure de quelqu'un, et que tu passes maintenant, comme tu t'amènes son mot, tu ne peux même pas bagarrer, tu vas faire comment maintenant? Ce qui s'est passé maintenant, c'est que les Gabonais ont dit, non, on ne veut pas de l'argent. On ne veut pas des places au pouvoir. Donnez-nous seulement la tête des personnes. Allons-y d'abord, rentrons dans 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 21. Donc vous voyez que quand le Seigneur a donné la direction par rapport à la famine, maintenant la solution était automatiquement là, n'est-ce pas? Quand il a dit quelle était la cause, subitement la solution était là. Puisqu'il a dit que c'est à cause de Saül, de sa maison sanguinaire. Pas vrai? Directement, ça veut dire qu'on a compris qu'est-ce qui cause le problème. Maintenant, il est en train de regarder maintenant que comment résoudre le problème. Il n'a pas dit qu'on va faire l'agriculture améliorée maintenant en Égypte. Ou bien on fait maintenant les sciences expérimentales sur les organes, comment génétiquement modifier. L'homme a seulement déraisonné que de chercher des solutions sur la nature. Ah, faisons le COP21 pour le changement climatique. Les chefs d'État se réunissent à New York en session extraordinaire pour parler des changements climatiques. Ils blaguent, Ils savent ce qu'ils partent faire. Ils font tout sauf ça. Ils partent faire tout sauf ce qui est dit. Ils savent ce que l'Antichrist les pousse à faire. Dieu dit dans la Bible que les saisons obéissent à ses ordres. Il incline quand il veut, il envoie la pluie comme il veut, il donne ses ordres aux neiges, ça fait comme ça veut. Donc il n'y a pas de problème dans le changement climatique. Donc souvenez-vous de ceci, vous entendez un chef d'État, un spécialiste de la météorologie, n'importe qui, dit que l'univers a un problème d'extinction. C'est un menteur. Ils sont en train d'utiliser les stratagèmes pour pouvoir mentir les gens, pour conduire les gens à la psychose et qu'on soit derrière les causes. Ils vont donner des preuves scientifiques. Vous n'avez pas d'appareil pour mesurer. Ils vont donner les données que ceci invite là en mettant les images. Pas vrai? Lorsque Saddam Hussein avait été au pouvoir accusé des possesseurs des armes à destruction massive, à l'ONU là en plein, Colin Powell n'était pas assis là-bas avec George Walker Bush et autres d'avoir en train de projeter les images qu'on a vu des mouvements de camions filmés. On est là-bas jusqu'aujourd'hui, on a montré un seul grain. Les images sortaient d'où? Donc croyez-les. Continuez à les croire. Et ils savent qu'ils mentent. Ils mentent tout le monde. Après ça, on ne les amène pas parce qu'eux, on ne juge pas les Américains. On ne juge pas aucun. Même, personne n'a le pouvoir de juger un président en fonction. Même s'il est, on n'a pas le pouvoir. Il n'y a aucun coup qui puisse les juger. Mais frère, tu peux traverser le jugement humain. Le jugement de Dieu est où tu ne peux pas traverser. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de droit de veto devant le jugement du Seigneur. Il peut faire n'importe quoi, faire ce qu'il a en train de faire. Souvenez-vous d'une autre vision que j'avais dit que le politique et la politique étaient remués en France, mais la cible était le Cameroun, vous vous souvenez. Et en train de dire qu'il y a un monsieur, l'ancien président, j'ai dit, c'est comme si il était revenu au pouvoir, il était farouche et la direction était le Cameroun. Je suis allé suivre ceci dans le songe, parce qu'il faut qu'il bagarre avec le songe, avec ça dans le songe. Mais j'ai dit, la réponse maintenant, qu'est-ce que le politique du Cameroun est en train de faire? Parce que le problème, c'est au niveau du Cameroun. Si le Cameroun se place à une position, l'une des choses que j'avais dites par rapport à Boko Haram, c'est que ce n'est pas un problème d'ordre humain, c'est un problème d'ordre spirituel, parce que les esprits entrent là-dedans. Si les gens peuvent se mettre à genoux, c'est seulement qu'on ne peut pas vous dire tout ici. Et pas seulement vous dire tout ce qui est en train de se préparer, ce qui se trame, ce qui se fait là-bas. Alors lisons ici, là, vous allez me faire bavarder à l'intérieur de la politique ici sortie. Mais qu'il pleuve ou qu'il fait. Vous avez remarqué, frère, que les climats ont bouleversé, ont été bouleversés, c'est pas vrai? Vous avez remarqué? Vous avez remarqué que les climats ont été bouleversés? L'une des fois ici, je vous ai dit encore, ça me revient tout simplement comme ça. Je vous ai dit que le moment arrive sur la terre où il y aura de l'alternance, des spasmes. Je vous ai dit que pendant que certaines personnes vont se rendre de crier que ouais, il y a la sécheresse ici à l'extrême, d'autres se rendent de crier que ouais, la pluie venue tu es ici à l'extrême. C'est ce qui est en train d'arriver sur la terre. Dieu est en train de préparer les gens pour le jugement. Et ceci, c'est pour dire aux gens de se repentir. Mais la Bible déclare dans ce livre d'Apocalypse chapitre 16 que, ça, remarquez bien, ça c'est écrit. Lorsque vous voyez les gens marchent, ils posent la question que Dieu là existe, mais avant qu'il permette ses souffrances, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive là? Allons dans Apocalypse chapitre 16. Mettez le doigt dans ces... C'est merveilleux de servir plutôt le Dieu qui a le contrôle sur les circonstances. Ces hommes-là vont passer. Mais ils ont un plan machiavélique derrière qu'ils sont de préparer. Mais nous prions, demandons la cause de l'échec spirituel de l'Église. Apocalypse, c'est le dernier livre. Au chapitre 16. Et quoi? C'est là qu'il nous a amené là. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Que ton nom se soit glorifié. Ça se trouve dans Apocalypse 16, ce qu'il était là. Regardez. On y va. Il vit la partie du verset 8 du chapitre 16. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Vous avez vu ça, frère? Donc le soleil va recevoir de l'ordre. Le soleil va recevoir de l'ordre. 32 degrés en France, vous entendez que les gens sont morts, que c'est la canicule. Il m'amuse. 32 degrés canicule. 38 degrés canicule, les gens sont morts. Vous m'amusez. Il dit, c'est ce qui est en train d'arriver sur le monde. Il y aura de l'alternance néfaste. parce qu'ils obéissent à l'ordre de Dieu. Or, tous ces changements climatiques qui sont arrivés, la météo n'a aucunement raison. La météo n'a aucunement raison. La Bible dit que mon Père a placé 4 anges sur les 4 coins de la terre. Et la Bible déclare qu'ils attendent l'heure, le jour, la minute. C'est ce qui est écrit là. Que mon Père a placé 4 anges dans les 4 coins. Donc depuis, ils sont là comme ça. Les gens vaguent sur la mer, ils traversent, il est là. Ils sont là. Vous allez n'importe quoi. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas assujettis à la fatigue. Donc quand vous passez là-bas avec les avions, vous passez là-bas, ils sont souvent comme ça là. Ils traversent, vous passez sur les têtes. Il y a le trou d'air. Ça fait brrr. Le pilote dit que faites attention, nous allons traverser dans les zones de turbulence. Peut-être que ce sont oreilles que vous grattez comme ça. Vous traversez vers le sud, le cap des non-espérances, de quoi, de nouvelles espérances, de n'importe quoi. Vous traversez là-bas, l'eau fait sa présence terrorise un peu. Vous ne savez pas qu'ils sont là dans les quatre coins de la terre. La Bible déclare qu'ils sont prêts pour le jour et l'heure. Lorsque le moment va arriver, on va les délier. Donc, pour vous dire que la mission, donc, faites la mission. Alors, la Bible déclare dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 8, que lorsque l'autre va verser sa coupe sur le soleil, c'est sur le soleil. Donc, Dieu va commander au soleil de changer un peu. Changer un peu, ça veut dire que le soleil se rapproche un peu de la terre. Ils vont découvrir ça scientifiquement, qu'un événement malsain en train d'arriver, le soleil a basculé, la terre s'est rapprochée un peu du soleil. Mais c'est mon Père qui en est de faire cela. C'est mon Père. Alors regardez, le 4e verset 8. Le 4e verset, ça coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est les hommes que je vais vous montrer. Regardez. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Vous voyez cela? Ça arrive sur la terre. Je vous ai dit ici, une fois, mais là pendant qu'il avait dit ça, je ne crois pas qu'il y avait lu ces choses ici. Il me tient ici et puis ça vient comme ça là. Qu'est-ce qui en est d'arriver? Alors, ça veut dire que les gens, il y aura inondation. Dans des zones. Il y aura des zones où, de façon scientifique, comme ils le disent, lorsque vous dites que le séisme est issu des zones tectoniques, la tectonique des plaques, le déplacement des continents qui font de temps en temps que quand il y a fissure, peut-être ça se fissure et le magma sort pour créer les éruptions volcaniques. Dieu va surprendre les gens, même dans les marchés. Même dans les marchés, il y aura des geysers. Même dans les marchés, il y aura des geysers. Même dans les marchés. Il y aura quoi? Des geysers. C'est quoi le geyser? Hein? Des marchés vont se fendre, les eaux vont sortir. Des marchés vont se fendre, les eaux vont sortir. Mais ça sera chaud. Il y aura des geysers. Les continents vont se déplacer. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre pour attirer l'attention de l'homme. Mais je veux seulement que vous regardiez que ce que les hommes disent maintenant n'est que les signes précurseurs de ce qui est écrit, ce qu'ils sont censés dire. Lisons cela, laissons-les parler. Regardez. Quand vous dites, ah non, non, non, comment les juifs sont comme ça? Comment les pharisiens peuvent voir quelqu'un qui était malade et guéri par Jésus? Il ne se lève, il ne demande pas pardon à Dieu. L'esprit ne meurt pas. Ces esprits-là, s'ils avaient été comme ça devant le Seigneur, quand le Seigneur avait été là, si vous êtes avec la parole maintenant, si vous réagissez avec la parole comme ils ont réagi, ça se verra dire que si vous avez été là, vous ferez la même chose qu'eux, ils ont fait. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, si Jésus est ici, il y avait plusieurs groupes. Les gens qui disaient qu'ils ne font que par Belzébuth. D'autres qui disaient que, oh, à qui d'autre irions-nous, comme le frère Hervé a dit ici. Pas vrai? Si vous étiez de là où des groupes qui disent, oh Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Vous lisez la parole, maintenant vous aurez la joie sur le cœur. Mais si vous lisez la parole, ça vous énerve. Vous écoutez la prédication, ça vous énerve. Vous rentrez quand Jésus était là, quand il va faire ce miracle, ça va vous énerver. Donc, vous accomplissez seulement le même rôle. Le même rôle. Continuons ici, verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémaient le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Vous avez vu ça? C'est pas la science qui a l'autorité sur les fléaux. C'est Dieu qui a autorité sur les fléaux parce qu'en réalité, c'est lui qui les commande. La Bible déclare que tout, il connaît tous les étoiles, il les appelle tout par leur nom. Il appelle n'importe quoi, ça agit. Enfin, n'est-ce pas, nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 21, que c'est lui qui a appelé la famille sur la terre pour amener la correction. Maintenant, regardez bien ici là, qui blasphème le nom de Dieu qui a autorité ce fléau. Et il ne se repentit pas pour lui donner. Notez ce verset. C'est ça que je voulais vous montrer, l'attitude des hommes. Chaque fois, Dieu attire les hommes sur la terre pour leur montrer leur folie. Il attire leur attention pour leur montrer leur folie. L'homme, le simple fait que les êtres humains se réunissent pour essayer de chercher la solution humanitaire montre qu'ils ont déraisonné et mettre Dieu de côté. Ils vont tout parler sauf Dieu. Ils vont tout penser sauf Dieu. Et Dieu est en train de frapper. Il frappe pour leur attirer l'attention pour montrer que quelque chose ne va pas. Regardez la, les zones où il y a la tension. Regardez bien pour que vous compreniez ces êtres humains qui vous servent. Regardez les zones. Prenez votre temps, asseyez-vous avec une carte du monde et observez les zones où il y a les tensions. Vous allez voir que les zones qui ont les tensions, ce sont les zones où il y a les mines. Les zones où il y a des guerres, ce sont les zones où il y a les mines. Ce sont les zones où il y a des choses, les produits de la terre, des sous-sols qui sont riches. C'est là où il y a des zones de tension. Si un pays n'a pas de problème avec les, n'a pas de sous-sols riches et autres là-bas, non, on le laisse tranquille. Lorsque c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsque c'est un pays où il y a des sous-sols, alors les puissances viennent chacun pour s'installer. Ils créent des conflits entre eux. Les personnes qui créent les conflits sont les personnes même qui viennent pour donner la solution. Mais leur malice va se faire connaître parce qu'ils font tout cela sous le contrôle de notre Dieu. Alors maintenant, je veux que vous remarquiez la réaction des hommes ici. On dit, quand le soleil a chauffé les hommes, qu'est-ce que les hommes ont dit? Ils ont blasphémé le nom de Dieu qui a autorité sur le fléau. Ils ne se sont pas repentis pour lui donner gloire. Donc ça veut dire que si la chaleur vient sur la terre, l'innocent vient sur la terre, n'importe quoi, la famille vient sur la terre, Dieu a de dire que, hey, regardez, vous en êtes de fauter. Le Créateur est au courant de vos œuvres. Il est en train de dénoncer vos malices. Il vous veut à la repentance. C'est la prédication de la souffrance. C'est la prédication des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles prêchent la repentance. Les catastrophes naturelles prêchent la repentance. Et même quand ces catastrophes veulent venir pour ces serviteurs qui sont sur la terre, il les avertit pour leur dire qu'annoncez-les cela. On annonce chaque fois. Ça sort, ils voient cela dans les breaking news, ils voient cela, par la suite, personne ne se répand. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant de façon moderne? Si Dieu existe, pourquoi il permet ces souffrances? Et la Bible déclare dans le Lamentations, chapitre 3, le verset 36, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Donc Dieu appelle les nations à la repentance, mais il va frapper. Je vous ai dit la dernière fois qu'une génération est en train de passer sur le Cameroun, Dieu est en train de nettoyer. Et je vous avais prié. Là, une des fois ici, j'avais dit que c'est vrai que c'est un antichrist qui vient encore, mais que Dieu nous donne quand même un bon antichrist. Ce qu'il avait dit, pas vrai? Ils vont craindre les serviteurs de Dieu dans ces pays-ci. Donc, ce n'est pas ceux qui ont des relations à la présidence qui sont à craindre. Non. C'est celui qui a la faveur du roi du ciel. Vous savez, n'est-ce pas? Prenez votre livre, lisez 2 Rois, chapitre 4, 5 et 6. Observez et lisez. Quand il s'éteignait là, il n'avait pas besoin d'aller à la présidence, d'aller prendre le portefeuille à la présidence. Il s'éteignait seulement là et l'ainsi parle, le Seigneur venait vers lui. Quand ça parle, il dit que monte, dis au roi que ne descends pas à tel endroit parce que le roi d'Assyrie va descendre là-bas. Ça ne se passe pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Le roi d'Assyrie a dit que vrai, là il y a une taupe parmi nous. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et puis le Saint-Esprit touche toujours quelqu'un au milieu d'eux. Il dit que, oh roi, vis éternellement. Nous sommes tes serviteurs. Nous ne trahissons pas nous. Mais il y a quelqu'un là-bas, c'est Élisée. Il est là-bas. C'est pas ça, frère? C'est ça. On dit que c'est Élisée là, c'est lui. Même si tu dis quelque chose à l'oreille de ta femme dans ton lit, oh, il est au courant. Il est au courant. Vous voyez effectivement la personne qui est le dangereux, n'est-ce pas? Allons-y aussi là-bas. Ma Bible est dans quel côté, dans cette maison-ci? Qui a pris ma Bible? Allez mettre par là-bas. Donc vous voyez la Bible ici. Je vous ai amené dans l'Apocalypse chapitre 16 pour que vous voyez ce qu'il en est par rapport aux êtres humains. Pour vous montrer que quand ça va commencer à venir, comme la Bible a déclaré qu'ils vont pas se repentir, qu'ils vont blasphémer, mais Dieu a prévenu comme ça pour que quand ça arrive, que les gens sachent que Dieu est Dieu, il annonce des choses, elles arrivent. Alors maintenant, ça veut dire que quand vous entendez, par exemple, à Yaoundé, le train qui a déraillé, que les gens sont morts, le pont qui s'est cassé et autres là maintenant, les gens vont dire que, ok, Dieu était où pour que ces choses arrivent? Je pose la question. Quand la route était bonne et que les gens passaient, les gens étaient où pour que Dieu les protège? Ils ne voyaient pas. Quand Dieu a protégé, ils ont voyagé sur la même route, non pas vrai? Des centaines de fois. Quand ils arrivent, d'autres arrivent, mais ils montrent qu'ils sont trop forts. Comme ils sont arrivés parce que la voiture est. Un seul et une seule pente, je vous le dis. Bon, vous allez permettre que je parle certaines choses, d'accord? Vous voyagez, vous passez, vous restez dans le bureau, il y a des êtres sur la route. Bon, lisons là où il partait même dans ces deux rois chapitre 4. Si il parle maintenant, vous allez dire que finalement il faut prendre l'avion, vous prenez l'avion, ça prend feu, vous allez dire que désormais il faut marcher à pied pour arriver à Yaoundé. Vous n'avez pas pourquoi pour marcher à pied. C'est la grâce de Dieu qui couvre les gens. Amen. C'est la grâce. Et vous arrivez quelque part, vous voyez des gens, des cohortes de personnes qui se trouvent en plein milieu de la route en train de faire des incantations. Vous voyez, le chauffeur passe là-bas, il met le, vous appelez petit pays, PD dans sa voiture, dans la voiture dans laquelle vous êtes. Frère, ne voyagez pas sans prier. Vous, voyageant dans un bus de 60 places, de 70 places, vous êtes les sauveurs de tous ceux qui y sont. Vous, voyageant dans un avion de 250 personnes, vous, votre présence là-bas protège toutes ces vies-là. Vous savez ça, frère? Vous vous souvenez de Actes chapitre 28, lorsque l'apôtre Paul voyageait à Rome avec les gens dans un bus-là, dans son avion de son époque. L'ange est venu là-bas, il n'a pas dit que j'enlève Paul ici, il les met au large. Non. Reste là-bas, vous allez nager, mon gars. Il n'y aura que des cargaisons qui vont se gâter. Il dit que cette vie, ce sont entre terres. Vous entendez ça, frère? Donc faites attention. Faites attention, veillez sur vos vies. Voici pourquoi nous prions pour que la sanctification monte, pour que vous soyez un de l'Esprit de Dieu. Amen. Pour que là où vous êtes, ah frère, vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Vous ne pouvez pas savoir ce que ces gens-là font dans la forêt. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font dans la forêt. Vous dormez, eux, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas parce qu'ils savent qu'en journée, il y aura les activités. Donc, il faut qu'ils font les activités dans la nuit. Alors, vous voyez, les mamans viennent se tenir là-bas, d'autres ont les ailes. Ils se tiennent comme ça, ils sont de faire des conjurations. Après, vous entendez que le chauffeur a pris une mauvaise décision pour aller doubler. On va vous dire que les statistiques montrent que 95% des accidents sont causés par la fourberie humaine, par la folie des chauffeurs. Ce n'est pas la folie. Ils sont guidés, téléguidés. Le téléguidé, à un moment donné, il prend une mauvaise décision, la décision qu'il ne doit pas prendre. Tous, sans exception, savent que la route est dangereuse, pas vrai? Ils savent que la route est petite, pas vrai? Ils savent que la route est étroite, il y a des trous, pas vrai? Ils savent que quelqu'un peut venir en face, pas vrai? Pourquoi foncent-ils? On les incite à prendre une mauvaise décision. Comme Satan a incité David ici à faire le dénombrement. Bah, il y a des choses à dire, mais c'est pour ça qu'il dit, quand vous voulez voyager, il y a des choses, des façons de prier. Quand vous voyagez, protégez ceux qui viennent en face et ceux qui vont traverser la route avec vous ces jours-là. Vous allez déjouer beaucoup de plans de l'ennemi. Vous voyez quelqu'un il entre vous voyez, le pont est fait avec le fer. Quelqu'un n'a pas connu le fer, il y entre. Vous dites, c'est quoi? Il dit qu'il avait vu la route là-bas. La route se trouve dans le fer, frère. Vous voyez, quelque part, on fait comme ça. Une autre route, soit il est sûr que c'est la vraie route là-bas. Il vous conduit dans le cours d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chauffeur, vous ne savez pas comment il a dormi. Vous ne savez pas s'il a couché avec la femme d'autrui. Donc, ça donne une porte d'entrée. C'est-à-dire, quand vous entrez dans votre bus, mettez-vous à genoux là-dedans. Demandez au Seigneur, pardon, je prie pour le conducteur. Que tu contrôles ses pensées. Contrôle son cœur. Contrôle les roues. Contrôle le frein. Contrôle toutes ces voitures-ci. Contrôle tous ceux qui sont dans ces voitures. Alors, il y a des plans. Oh mon Dieu, je vais parler. Il y a des gens à l'intérieur des bus qui sont maîtres pour querelle, qui sont les agents sataniques. D'autres sont à l'intérieur de vous, en plein là, pour créer l'occasion, pour que ça donne l'occasion pour que l'onction mal agisse dans le bus. Fais-moi le quitter là-bas, tu t'assois sur la chaise, toi là. Et veuillez créer les querelles, les discussions dans le bus pour que vous ayez les tensions, vous insultez. Quand vous insultez, ça crée autour du bus le champ magnétique propice pour qu'ils attaquent. Si vous êtes dans le bus, les chrétiens généralement, quand on dit, et toi, fais aussi, il dit que c'est l'aide dans le bus, il arrête la chaise, il dit que moi, il peut vous prouver. Voilà le chrétien au milieu des discussions. Il laisse ce qu'il a fait, il a défait le ministère des disputes. Ça ne va pas, il veut dire qu'il va même bagarrer. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans ces conditions-là, vous entendez les gens sont en train de parler dans ces choses-là, entrez dans l'intercession. Entrez dans l'intercession, vous allez voir plus tard des choses. Enfin, même si vous ne voyez pas physiquement, vous saurez plus tard ce qui est arrivé. Le passage d'un enfant du Seigneur, quelque part, un de l'Esprit de Dieu, permet de détruire les œuvres de Satan. Deux rois. Vous avez gardé le doigt dans ce livre d'Apocalypse chapitre 16, n'est-ce pas? C'est le moment des prophéties. Ah, elle s'est réveillée maintenant. Donc quand on dit comment, quand il voit maintenant comment parler que frère, lève-toi, je vais te parler. Il va dire, ici là maintenant, même le sommet va partir. Vous voyez que vous avez la puissance pour combattre le sommet dans ces circonstances. Si il me tourne là maintenant, il dit, ok, c'est le moment pour faire telle ou telle chose. C'est le moment le plus. Vous avez remarqué que c'est pas faux ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il y a une maman que je devais dire que quand nous étions ange Raphaël, elle venait chaque fois quand il y avait toujours problème. Vous souvenez, vous avez raconté l'histoire là. Elle avait été brûlée par sa co-épouse là et puis les pieds gonflaient. Ce matin, si même son frère m'a appelé, il dit que tu es à la maison, il dit que la grand-sœur a eu le problème. Que dans la nuit, on l'a attaqué dans la nuit. Donc, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Quand on l'a attaqué, elle s'est souvenue qu'elle a son pasteur. Ah, vous savez, l'être humain, l'être humain. Regardez, on a parlé de ces choses sur le sommeil, la dominée. Mais si on dit maintenant que le village. Je crois que c'est elle, une fois, il y avait dit ici qu'il y aura un deuil. C'est ça, non? Et j'ai posé la question ici. Il dit que pourquoi le Seigneur montre ces choses ici? Pourquoi le Seigneur montre ces choses? Pourquoi il peut venir vous dire que faites attention, il y a quelque chose qui vient d'arriver? Pourquoi? C'est déjà passé. Alors la question est maintenant pourquoi? Elle parle maintenant là. Maintenant, verset 11. Premier, permettez-moi de finir de ces Apocalypse chapitre 16 là rapidement, verset 11. Et il blasphémait. Non mais je crois que j'ai. Oula, c'est merveilleux ça. Verset 10 de Apocalypse, avant d'aller dans 2 Rois chapitre 4. Verset 10 de Apocalypse 16. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Voilà les rois de la terre dans lequel vous allez vous confier. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous voyez les douleurs? C'est la prédication de la repentance par rapport à nos mauvaises actions. Les douleurs qui se passent sur la terre. Ça ne plaît pas à Dieu que Dieu fasse, mais c'est sa méthode à lui pour chicoter. Vous entendez? Je crois que je vous avais parlé du bourré qui va avaler les choses, pas vrai? Ok. Vous entendez? Quelque chose arrive. Dieu pousse, il souffle sur une rivière. Ça entre dans la maison, boum, ça prend des vies. Quand ça se calme, les êtres humains, se mobilise. Il y a une journée pour la pensée des morts, vous savez comment, des disparus, en mémoire des morts, des disparus. On va mettre des chefs de fer là-bas, on construit un monument et ça devient maintenant un sujet de péché encore. Chaque jour de ces moments, on vient chaque fois se mettre des chefs de fer. Ce que Dieu avait fait pour corriger, pour dire que ne faites pas cela, ils ont encore ajouté plutôt le péché là-dessus. Et ils commémorent maintenant les morts. L'être humain, c'est parce qu'on va là où on va aller. On vient là-bas, on commence à lire les noms des gens qui étaient morts à l'issue de ces catastrophes-là. Mais personne ne se réunit là-bas en invitant les pasteurs pour dire, pasteur, prie pour nous. Non, pas chercher Dieu. Cette catastrophe est venue. Donne-nous quelle est la direction à tenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent chercher plutôt les anciens. Les anciens du pays viennent avec les robes et autres, les ventres. Maintenant, ils prennent les hommes. Ils disent qu'ils donnent maintenant les prophéties qui vont pousser encore Dieu à être en colère. Ils disent que les dieux des eaux étaient fâchés que vous n'avez pas fait les sacrifices. C'est pour cela qu'il a envoyé ces choses-là. On amène encore l'opprobre sur le pays. Et donc là, il faut que les pasteurs disent la vérité aux gens en disant que ces choses-là, ce sont des démons qu'on adore. Et Dieu utilise les catastrophes pour tirer les gens dans les ténèbres et pour les annoncer la repentance. Remarquez bien, comme c'est écrit là, c'est comme ça que ça va se passer. Donc Dieu va frapper, ils ne vont pas se repentir. Ils vont plutôt dire que Dieu, si Dieu était existé, comment ces 50 personnes, l'enfant, c'est qui est mort, a fait quoi pour mourir. Donc Dieu fait comme ça, lui, il n'est pas mort. Au lieu qu'il se repente que Seigneur, oh. Si ça avait été moi qui avais été là-bas, oh, t'aimes me pardonner pour la grâce que tu m'as donnée. Merci pour la grâce que tu m'as donnée. Je demande pardon. Je demande pardon. T'aimes que je ne vise pas comme ceux-là ont vécu. Pas vrai? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu a-t-il l'attention avec le deuil? Il a-t-il l'attention avec le malheur? Comme c'est Ecclésiaste chapitre 7 dit. Que le cœur d'un saint est dans la maison du deuil. Tous ceux qui vivent prennent la chose à cœur. Ceux qui vivent. Tu parles dans la maison du deuil pour prendre ça à cœur. Mais on fait ce moment que vous avez. Dieu est où? Vous dites que Dieu existe. Pourquoi il permet la souffrance? Les témoins sont forts pour la question là. Ah, j'avais oublié que tu étais venu voir. Salut-moi mon frère. Salut-moi. Voilà. J'avais oublié que mes amis étaient là. C'est la question préférée là-bas. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi un Dieu d'amour permet-il des souffrances? Pourquoi voit-il des souffrances? C'est pas ça, c'est pas la philosophie. Il a ses moyens de corriger. De la même façon comme certains parents ont le tueur à gaz. Quand l'enfant corrige, quand l'enfant fait la faute, c'est lui qui l'envoie, qui va prendre ta chicotte. En allant prendre, il pleure. C'est pas ça, va-t'en. Hein? Comment il parlait la chicotte, tu fais? Comment? Il riait déjà. Il riait, lui, il riait. Et c'est comme ça que papa fait souvent. Hein? Il a quoi à la maison comme chicotte? Le tueur de gaz. La ceinture. Donc quand tu fais le problème, et papa t'a interdit que va chercher la ceinture. C'est toi qui va prendre ce qu'on va te punir avec. Que Dieu te bénisse. Donc ici la Bible déclare que les hommes vont maudire Dieu, blasphémer Dieu à cause des fléaux. Je veux que vous regardiez la parallèle. Maintenant regardez de l'autre côté ceux qui servent Dieu. Et David, quand il y a un problème, il allait vers Dieu pour regarder quelle était la cause. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit inconsidéré. Soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Le monde peut se comporter n'importe comment. Nous ne comportons pas cela. Journée de commémoration des morts, des martyrs, de ceci. C'est le culte des morts fédéral, national. Ne participez pas de telles choses. Ne participez pas. C'est bien pour l'image du pays, pour montrer que le pays se souvient. Une minute de silence pour la mémoire des morts. Poum, poum, poum. C'est des histoires. C'est bien pour la chair humaine sur le place public. C'est le culte des morts. La Bible a déjà dénoncé cela. Dans l'ancien temps, ça se passait de façon physique. Maintenant, on a modernisé pour politiser la chose et que ça soit dans la culture moderne. Quittons cela. 2 Rois, chapitre 4. Vous ne savez pas encore. On n'est pas ici là aujourd'hui. Donc, demandons à Dieu de nous révéler quelle est la cause profonde de nos échecs, de nos vies spirituelles. D'accord? 2 Rois, chapitre 4. On y va. Vous prenez, notez à partir du verset 1. Notez 2 Rois, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Vous lisez, vous lirez là-bas. Tout ça. Chapitre 4, 5, 6, 7. Vous notez particulièrement, voilà encore notre histoire là, dans cette histoire-là. C'est plein là, dans ces livres-là. Vous avez vu dans le chapitre 5, remarquez la personne qui allait emprunter la hache. Ils vont fendre le bois en bordure de la mer. La hache. Vous savez, la hache est composée de la partie en bois et la partie de fer, là, la partie de fer. Dans notre temps moderne, la hache pouvait approcher à n'importe quel quincaillerie. Mais imagine à ce temps-là, comment on fait fondre le fer pour pouvoir avoir cela. Il faut abattre un arbre. Il a commencé à faire pam. Et puis, vous savez, c'est sorti là. C'est tombé dans l'eau. Pam. La réaction de ces gens-là, ce n'est pas plongeons pour chercher. Il faut que vous voyez la réaction de ceux qui craignent Dieu et qui ont un peu de Dieu en eux et la réaction des charnels. Ceux qui essaient de résoudre le problème. Ceux qui croient que l'homme, méga structure comme National Geographic fait là, on montre la prouesse humaine. On montre comment l'homme est tellement intelligent ou est pas là en fond de la mer pour montrer que l'homme, Dieu, est déjà présent sur l'humanité. Ceux-ci, ils n'ont pas dit qu'il faut qu'on fasse la poussée maintenant pour que Jean-Jacques Couteau entre en bas, ce costaud ou ce costaud. Qu'il entre en bas chercher le truc. Non, non, non, non. Il s'est tourné directement vers le prophète. Oh, prophète de Dieu, c'était loué. Comment je vais faire? Parce que quand vous prêtez quelque chose comme ça, si vous ne pouvez pas rembourser, on te prend toi, ta femme, tes enfants, vous entrez dans l'esclavage. Jusqu'à ce que vous restituez la chose. Il savait qu'il était mal barré. Le prophète lui a posé la question. Où est-ce que c'est tombé? Remarquez bien, il a vu son insuffisance, il s'est tourné vers Dieu, la solution est venue. Où est-ce que c'est tombé? Il a dit c'est ici, il a coupé le bois. Regardez, voici les scientifiques devant nous. Regardez la masse volumique du bois. Par rapport à l'eau. Regardez la masse. Le fer, c'était normal que le fer parte dans l'eau. Ça sink. Comme on dit en anglais, sink. C'est-à-dire que ça va en bas. Mais le prophète coupe le bois. Il jette sur l'eau. Frère, la Bible déclare. C'est ici que vous arrivez au niveau où il faut croire la science ou bien la Bible. La Bible déclare que le bois est descendu dans l'eau. Le fer est remonté. Il a avancé la main. Il a pris le bois. Quand vous êtes scientifique, ceci va vous déranger. Parce qu'on vous a concassé le cerveau avec la poussée d'Archimède, avec les lois de Newton. Mais si tu es scientifique de la bonne manière, et a été gradué dans l'université de Dieu, tu comprends mieux ces choses que Dieu au-dessus de la loi de la nature. Amen. Parce que je ne sais pas comment, vous savez, pour que les gens puissent monter, il faut qu'ils aient la fusée ici, où ça propulse comme ça pour les faire monter. Mais la Bible déclare dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, que quand le Seigneur a fini de parler, il montait. Vous savez, remarqué, frère, il a commencé à monter comme ça, sans qu'il y ait un appareil qui va faire bouh. Il montait comme ça, il partait. Les gens comme ça, peut-être va tomber. Hop. La Bible dit qu'une nuée le dérobait de leurs yeux. C'est pas ça, frère. Donc on monte sans dynamique. On traverse les airs sans problème d'oxygénation, sans les pressions atmosphériques qui dérangent. Mais leur avion, ça se pèse. Un seul trou pèse et tout est la catastrophe. Pas vrai? Pour montrer que l'homme, même s'il défie Dieu, sera toujours limité. Voilà donc le problème scientifique qui se trouve là-bas. Voilà quelqu'un qui a la cause, qui a une insuffisance, qui consulte Dieu, on lui donne la solution. N'est-ce pas? Avançons au chapitre 17 et voyez maintenant un autre type. Je suis en train de citer, c'est moi ce qui est là. Vous allez rentrer lire. Si vous ne lisez pas, c'est votre problème. Alors il y a un monsieur là-bas, il y a la famine, il y a le siège de Jérusalem, le siège d'Israël, et il y a la famine qui règne dans la ville. La famine règne. Le prophète se passe là-bas un de ces jours. Quand le ciel est ouvert, il déclare que ces jours-ci, dans la ville de Samarie, vous aurez telle chose à tel prix. Il y a un monsieur qui reste, il y a des gens qui blaguent ici. Peut-être la famine l'a fait qu'il commence à profiter des bêtises. Souvenez-vous, qu'il y a n'importe quoi sur la terre, le prophète ne voit pas ce que l'être humain ordinaire voit. Il peut voir des choses qui sont incompréhensibles sur le plan humain. Vous pouvez dire n'importe quoi, vous pouvez dire, mais c'est ce qui est, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Vous suivez, n'est-ce pas? Il s'est tourné là-bas, il a dit, si le monsieur n'avait pas dit quelque chose, il n'aurait pas dit, le prophète n'aurait pas dit quelque chose. C'est un autre aspect qu'il veut prêcher dans la Bible là-bas. Tant que tu ne connais pas, ferme ta soupape, parce que tu peux déclencher une prophétie contre toi. Vous souvenez cela, n'est-ce pas? Il veut parler de ceci dans la Bible. Parce que les choses arrivent au devant de vous, vous ne savez pas ce qui arrive. Vous souvenez dans l'une des choses qu'on parlait, il a dit que comme c'est. Et puis comme Jacques a mis position dans un enseignement, ce qu'on était de faire sur. Quand la soeur s'en est avec des problèmes avec quoi sa soeur là. Après j'ai mis le pause ici, il a dit, ok, comme elle a dit que voici ainsi parle le Seigneur. Vous voyez cela? Parce que le Seigneur qui sous les autres Matthieu 23, il se tient là-bas, il a dit de parler. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous faites des prières longues prières. Il y a un monsieur là-bas qui se tient tranquille là-bas, il entend. Il n'est pas pharisien. Il est docteur de la loi. Il y a les scribes là-bas. Il finit de parler. L'autre se lève la main dans la foule. On croit qu'il va dire quelque chose. On lui dit, c'est repenti. Il dit qu'en disant comme ça, c'est à nous aussi qu'il dit. Et vous aussi. Il dit, et vous aussi, docteur de la loi, malheur à vous. Il n'a pas parlé de docteur de la. Voici le docteur de la loi qui a fait qu'on crée le problème sur eux. Donc, votre réaction peut pousser à une prophétie contre vous. Il faut faire attention. Le prophète a reçu une commission de venir dire, déclarer la parole du Seigneur pour que les provisions entrent dans la ville de Samarie. Il dit, aujourd'hui, vous aurez telle chose. Il est resté comme ça. Du coup, un monsieur qui a des enfants, un poste de responsabilité responsable, il se tient là. Dieu, quand il proclame la prophétie, il s'en fout si tu as des enfants à la maison que tu vas nourrir. Si tu as des femmes, si tu avais des deux ou quoi que ce soit. Quand la prophétie vient sur toi, c'est venu sur toi. Il a dit, quand le Seigneur ouvrira les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle en Israël. Le prophète s'est tourné vers lui, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Vous voyez ça, frère? Faites attention. Quand vous ne connaissez pas, restez tranquille. Même si la révélation est plus forte que toi, dis dans ton cœur que je vais voir avant de croire. Tu restes toi tranquille. N'ouvre pas la bouche pour pécher. N'ouvre pas la bouche pour pécher. Alors il s'est tourné là-bas, il a dit que tu verras. La suite de ce chapitre 7, il a dit que à l'heure, parce qu'on s'était barricadé, souvenez, la nuit, quelque chose s'est passé, Dieu a fait entendre les paroles, les anges ont bavardé, bagarré là-bas, sans dessus, sans dessus. Les cadres, les prêtres sont restés, c'est-à-dire que si on reste ici, on meurt, on reste ici, on part, on meurt, on part le camp, on meurt. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si on reste ici, on va mourir. Ce qui est sûr et certain, c'est que si on est dans la ville, la famille, d'abord ceux qui sont à l'intérieur, ils crient, ça ne les laisse pas. La seule solution, c'est au camp de l'ennemi. Si on part, même si nous gifle, ils donnent quand même la nourriture, on va manger. Ils sont venus là-bas. Ils voient que toute la nourriture est là. Il dit, mais c'est le piège ou c'est quoi? Tu vois ce que je vois, l'autre dit, moi je vois. Ils sont entrés, manger. Il dit, ah, c'est quoi cette histoire? Ce qu'on fait là n'est pas bien, hein? Alors annoncer au roi. Les lépreux sont devenus les messagers. Les messagers des délivrants, les lépreux. Chacun a d'abord pris son bagage, gardé chez lui tranquillement. Que si la guerre là vient par la semaine, chacun a sa restauration. Amen. Alors ça veut dire que c'est bon. La Bible déclare que quand on entre, on a poussé comme ça. Le serviteur du roi dit que c'est quoi? La Bible déclare que, on a dit c'est quoi? Il a vu effectivement comment ça arriver. On a piétiné les morts. Selon la parole de l'homme de Dieu. Donc faisons attention. Il y a un bruit qui se fait entendre. Mais le Cameroun a une responsabilité, la repentance. Il y a un bruit sur le pays. Donc, c'est dérangeant. Je peux plutôt me tourner du côté spirituel pour parler de la façon qu'on va faire spirituellement. Parce que, de façon politique, je n'en parlerai pas. Je vais seulement glisser de temps en temps pour titiller. Mais il y a un bruit qui se prépare en haut pour l'église. Ça, c'est pour l'église. Un bruit pour ceux qui seront prêts. Tous ces problèmes, toutes ces choses, c'est l'entraînement. Et sur nous, quand on avait commencé, il avait dit que c'est quelque chose qui sera long. Donc, comme on a avancé comme ça, là, ce n'est pas pour s'arrêter. S'il dit que c'est 100 jours de jeûne, on jeûne seulement. S'il dit que c'est 400 jours, on jeûne seulement. On est obligé parce que là, on n'a plus de. Enfin, pensez un peu, essayez d'imaginer comme si vous rentrez dans le monde. Vous voyez des choses qui vous attendent seulement. Pensez le parcours que vous avez fait. Pensez seulement de rentrer et voir ce que vous en êtes. Alors, imaginez donc la branche du corps qui n'est même pas encore conscient de la repentance, là où ils vivent. Pensez, Mais Dieu va faire une chose inouïe. Dieu va faire une chose inouïe, il va pousser les gens à s'agenouiller. Des forces vont amener les gens sur les genoux en plein marché. En plein, en train d'aller dans la rue. Je regarde les gens dans la rue, en train de marcher, en train de travailler, se prosternant. Je regarde ça devant. Je crois que je l'ai déjà dit au moins une fois, au moins deux fois ici. Quand ça va se passer, peut-être je ne serai pas là, mais vous allez voir cela arriver sur le pays. Et là, à cet instant-là, les gens vont sortir de l'extérieur pour venir au pays. Pour venir se mettre à genoux sur prière, c'est parce que le ciel du Cameroun serait ouvert. Alléluia. Mais nous, nous sommes ici. Dieu attend de nous. Il ne reste pas toujours comme ça. Il a dit que dans ce livre de Deutéronome, chapitre 25, 26, 27, 28, quand tu fais tes choses, le ciel au-dessus de toi sera fermé. Il a dit ça, frère. Le ciel au-dessus de toi sera fermé comme de l'air. Ça sera fermé. Ça veut dire que l'accès à la prière sera bloqué. Mais il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises œuvres. Ah, c'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. On va y revenir. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vient, c'est la repentance. Mais le Cameroun va secouer. Donc, vérifions donc par ricochet, Seigneur, quel est le problème profond spirituel que traverse le Cameroun? La solution est devant nous. La solution est devant nous. Souvenez-vous encore de ceci. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de personnes pour le réveil. Souvenez-vous de cela. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de personnes pour le réveil. Il peut utiliser une seule personne et il le fait souvent. Suivez seulement dans votre Bible et observez Philippe descendre en Samarie. Comment il a bouleversé toute la ville. Philippe seul. Jusqu'à ce que le bruit est seulement arrivé à Jérusalem. Souvenez-vous seulement de cela. Souvenez-vous de cela. Alors, le Seigneur veut faire quelque chose. Parce que plus on sera nombreux, plus les gens, les uns et les autres, auront des divergences, des idées haut d'abord. Plus Dieu va parler, se concentrer sur une personne. N'essayez pas et n'allez pas penser que c'est le frère Junior qui est le porteur des réveils. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis en train de les débrousser. Je suis en train de les débrousser. Je vous l'ai dit maintenant avant que ça n'arrive. Je suis en train de les débrousser. La joie sera mienne de voir cette personne que Dieu va utiliser. Alléluia. Donc, travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Que chacun soit à son poste, tout simplement. Amen. Que chacun soit à son poste. D'accord, frère? Donc, je recommence ce qu'il disait au début. Les femmes, du 1er au 30 novembre, vous serez à jeûne. Les hommes, du 1er novembre jusqu'à 30 novembre arrive. Et du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Si avant décembre, il dit qu'on continue, on va continuer. On va prier. Et particulièrement, décembre sera le feu. Décembre sera le feu. Donc, on aura beaucoup de temps de travail entre les hommes. Et les femmes, donc, je dis mercredi prochain, je viendrai ici pour donner tout ce qui concerne cela. Que Dieu vous bénisse.